Dis Daniel, tu fais quelque chose ce soir ? Non, rien de spécial. Pourquoi ? Moi, j'ai envie d'aller prendre un verre et d'écouter un peu de musique au jazz club. Ça te dit ? Oh, moi la musique, tu sais... Allez ! Mais si, viens avec moi ! Bon, d'accord. C'est bien parce que c'est toi. Bon alors, rendez-vous directement là-bas vers 22h ? Très bien. À ce soir.